la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h, j'espère que vous allez bien. James, t'es pas content parce qu'on a entendu la voix de Guélon? Ah non, je suis très content d'entendre la voix de Guélon, c'est juste que ta voix m'a choqué. Ah d'accord, ok, voilà, c'est ça. Mais non, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de prendre d'autres voix pour le jingle. C'est ça, ouais. Et là, t'as senti un petit côté rétro dans un petit côté rétro, hein, un petit côté années 90, c'est ça. Ouais. Ok James, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De plein de choses, on va voir des fantômes, on va voir des choses... Fantômes? Ouais. Oh là là! Oh, Jeanne autour de cette faire table! Faire un truc sur Halloween! Jeanne, tu vas nous parler de quoi? Astro. Astro, il t'est arrivé quoi dans ta semaine aujourd'hui, cette semaine? Oula! Je sais pas c'est quoi cette question. Il m'est arrivé pas grand chose. Eh bah super! Waouh! Ça c'est pas mal, rester à l'antenne! Et c'est grâce à ça que tu fais une chroniqueuse ici d'ailleurs! On va débattre! On est vraiment une bande de gens qui foutent rien! Ah ouais! Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Jocelyn, ta vie? Pas ouf! Parle-nous de ta vie. Bon bah tu sais. Ah, t'as fait la visite de ton appart? J'ai fait la visite de mon appart tout à l'heure. Ça donnait quoi? C'était trop bien, ils étaient trop sympas. Et trop intéressé ou pas du tout? Ils étaient super intéressés. Et j'avais trop envie que ce soit mes amis. Je leur ai dit, oh, venez, on va au bar et tout après. Bah, ils habiteront pas loin de chez toi, hein, parce que tu rends ton appart, en fait, il faut dire ça. Au... Je rends mon appart, venez. Ouais. N'y allez pas, j'y suis plus. Venez c'est ça. Visiter. Voilà. Bon, très bien. Et puis, moi. Tu ne demandes pas de quoi je vais parler, moi. Si, tu vas nous parler de l'éphéméride. Eh oui, je vais faire l'éphéméride. C'est celle de quel jour? D'aujourd'hui, du 8. C'est l'Immaculée Conception, mais j'en parlerai tout à l'heure. Non, mais le mec, faut savoir quand même, c'est qu'il y a 2 heures, il y a Jeanne, il dit, qui c'est qui fait l'éphéméride? Est-ce que je peux le faire? Et Jocelyn a dit, je te le redis. Ouais, mais j'ai jamais redit. C'était implicitement clair. Ouais, que tu l'as fait. Il y avait un accord tacite comme quoi elle devait le faire. Voilà. Et au final, aucun des deux l'a fait. Si, je l'ai fait, j'ai bossé dessus moi. Ah, et on a oublié, on a du public. Oui. Et pas des moins. J'ai oublié les prénoms, il y a Brieux et Lorenzo. Lorenzo. Donc vous rappelez, vous tapez dans les mains. On peut avoir du public. Ouais, ils sont pas payés bien cher. Ouais, super. Ils sont un peu timides des applaudissements, mais ça va venir, je pense. Mais qu'est-ce qu'ils parlent? On peut avoir des rires. Ah, super. Ouais, ça démarre super pour une matinale 18h. C'est vraiment, vraiment l'ambiance. Que de l'amusement ce soir. Et c'est tellement sincère que je suis tellement content d'être là. On va commencer tout de suite avec le journal parce que il est un peu tard quand même déjà. Bah, c'est vrai, il est déjà 18h. Oh là là! C'est le journal de la matinale de 18h, présenté par James et Jocelyn. On commence tout de suite avec les informations nationales et internationales. Avec James, pour lutter contre le réchauffement climatique, le chômage et les centrales à l'arrêt, le gouvernement prévoit de couper l'électricité pendant une semaine à tous les chômeurs qui refusent une offre d'emploi. En effet, ce projet de loi prévoit également de conditionner l'accession au RSA à 30 minutes de course quotidienne dans une roue géante censée générer de l'électricité, et ce afin de casser le lien entre obésité et pauvreté, d'après le porte-parole du gouvernement. Un homme grièvement blessé après un contrôle de police à Birmingham. C'est à l'occasion d'un match de football caritatif réunissant de nombreuses stars britanniques que l'incident a eu lieu. Une balle mal réceptionnée par Sting a atterri droit dans le visage d'un homme de 92 ans qui a été conduit à l'hôpital. Il est aujourd'hui hors de danger, mais cela a provoqué un tollé en Angleterre suite à un énième mauvais contrôle d'un membre de police. Ah, le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, Mbappé se dit vexé de ne pas pouvoir donner d'interview à Fadjet. Et oui, comme vous le savez, Fadjet a refusé d'envoyer le moindre envoyé spécial sur place au Qatar et pratique également la politique de la chaise vide face à tous les membres de l'équipe de France. Ainsi, le directeur de la rédaction de notre émission a donc laissé en vue le message de Kylian Mbappé sur WhatsApp pour lui proposant une interview et n'a pas daigné répondre aux nombreux appels en facecam de Didier Deschamps. Voilà, nous on fait le boycott vraiment ici. Tout à fait. Voilà. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Oui. Le chanteur, l'inénarrable chanteur Patrick Bailly en garde à vue. Et oui, l'idole des jeunes qui ont grandi dans les années 2003 a été placé en garde à vue pour vol et tentative de vol. Il nie les faits et déclare que c'est la SACEM qui est la voleuse. On rappelle que Patrick Bailly a été connu pour son unique tube « J'aime les films » de Tom Cruise. Jeanne, j'aime les films de Tom Cruise. J'aime les films de Tom Cruise. Ah ouais. Patrick Bailly, c'est tellement du Patrick Bailly dans la voix. Conséquence des coupures d'électricité à la station d'épuration de Girmont-Val d'Ajol. La station est sous pression et cherche des solutions. En effet, avec les coupures d'électricité, la charge de travail est multipliée. Ce n'est pas moins de 300 tonnes d'eau usée à filtrer chaque jour. La région du Val d'Ajol a lancé une campagne vantant les toilettes sèches pour alléger la charge de travail. Tellement efficace. Le roi Juan Carlos d'Espagne trouve refuge à Senón. Senones est une des seules villes à consonance hispanique de la région Grand Est. L'ex-roi d'Espagne a pu loger dans le second château des princes Salm-Salm à côté du camping municipal. Il dit se sentir en sécurité et comme à la casa. Eh mais t'as bossé toi. Hein. Eh t'as vu un peu ou pas. Pour savoir que c'est la principauté de Salm. Eh mais non, c'est qu'il y a un château qui s'appelle le second château de... Salm. Des princes Salm-Salm. Salm-Salm. Salm-Salm. D'accord. Okay. À côté du camping municipal. Senón est à la principauté de Senones. Salm. Voilà, Senones. Oui, pardon. Oui. La seule ville de consonance. Senones. On va aller se boire un petit café, non ? Ouais. On va passer à la météo. La météo. Alors que le froid est au Qatar et que. Non, je recommence, excusez-moi. C'était bien ça, j'aime bien cette phrase. C'était l'inverse en fait. Alors que la fête est au Qatar et que le froid aiguise ses poignards, que les écharpes chassent les foulards, que sur mon balcon, c'est chez Picard, devant ma fenêtre, le teint blafard, je regarde le froid faire sa fanfare. Saint-Nicolas, le père fouettard, en chef d'orchestre de ce blizzard. Cette symphonie donne le cafard, les éclaircies sont dérisoires, loin du soleil et loin d'Icare, tournant en rond dans mon fumoir, prisonnier d'un sens giratoire. Oh, quelle tristesse d'être un tolard, privé de sueur et de cagnard. Mes seules envies sont au plumard, je rêve de Bahamas et de plongeoir, de Fès, de Seychelles et du Maine-et-Loire. Espérons que tout cela soit prémonitoire. Wow. C'est tellement beau. Bravo. Ouais, j'adore. Quand je dis Fès, c'est la ville de Fès, hein, pas du tout. Bien sûr, au Moyen-Orient. Voilà. Ouais, très bien. Il y a un petit côté Lucini, je trouve. Dans ta manière de parler. Ouais, je sais pas, là j'ai un peu eu du mal, j'étais pas un peu bouffé tous les mots. Ouais, faudrait peut-être que je répète un coup avant quand même. Ouais, mais là en plus on est en léger différé, on peut pas la refaire. Ouais, c'est ça, merde, dommage. Tant pis. C'est pas grave, c'était très bien comme ça. Tout ce qui s'est passé un 8 décembre, tout simplement. C'est vrai. Ouais, c'est. Alors, du coup, tu t'y colles à cette Je vais vous demander un petit peu de bosser aussi, mais ouais, je vais essayer de driver le truc. On va bosser pendant Niels. Niels Barclay ? Non, ça se prononce pas, ça s'écoute. D'accord, crazy. Maybe I'm crazy. Barclay, Crazy. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Bonsoir, nous sommes le 8 décembre, c'est le 342e jour de l'année. Je tiens à le préciser car c'était très important. Aujourd'hui, c'est l'Immaculée Conception. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Immaculée Conception, messieurs, dames ? Un prénom ? Mais non. Alors, en fait, moi, je m'étais dit, mais attends, mais je connais le mot Immaculée et je connais le mot Conception, donc j'ai commencé à me donner une autodéfinition. Mm. Et je me suis dit, Immaculée, c'est sans tâche, et une conception, c'est une création de quelque chose. Ouais. Donc une création sans tâche, et en Vas-y. Fait finalement c'est très chrétien. Vas-y, fous-toi dedans tout seul. Bah, c'est pour la Vierge Marie. Mais oui, mais j'avais pas forcément tilté au début, donc c'est en effet pour la Vierge Marie. Bah oui. Mais non, mais je m'étais dit Immaculée Conception. Mais t'as fait le catéchisme ou pas en Mais fait. J'ai pas fait le catéchisme. C'est incroyable. Pas scout. Mais non, j'étais pas scout. J'étais normal moi. Enfin, oh là, pardon. non, en vrai ça allait très bien, mais je connaissais pas, et donc je me suis dit Immaculée, on s'en sert que quand il y a des table blanche, je me dis, ah putain, la table elle est vachement immaculée. Toi, t'iras pas faire chroniqueur sur Radio Jéricho, toi. Non, tu sais qu'ils m'avaient contacté, puis ils ont écouté ce que je faisais, ils ont dit, oula, non. Non, ils t'ont juste demandé si t'avais fait ta communion, et t'as dit non, et c'était fort, mort. Bah, tu faisais mais j'arrive pas à parler, moi. J'ai un gros problème de communication aujourd'hui. Qui c'est qui est mort aujourd'hui ? Est-ce que vous savez qui c'est qui est mort aujourd'hui ? Benjamin Constant, en effet. Non, mais John Lennon. Avant, John Lennon est mort aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez John Lennon ? Bah oui, quand même. C'est un auteur, compositeur, interprète et musicien britannique. Tu vois, j'ai pas envie que tu répondes. Co-fondateur des Beatles avec Paul McCartney. Tu voulais dire quelque chose, Tristan ? Benjamin Constant, c'est qui ? Alors, Benjamin Constant, réalisateur et autoproducteur de films. Non. C'était un écrivain bourgeois du 18... d'un certain siècle, 19e. Ouais, d'après Jésus-Christ. Comment tu savais qu'il était bourgeois ? Parce que je sais, je connais les bourgeois. Constant, attends, je connais bourgeois, j'ai leur nom... Gravé dans la roche. Je voulais dire, comment on dit tatoué, voilà, tatoué. Tatoué dans la roche. Il y a également un acteur et artiste français qui s'appelle David. David Corneille. Non, David Douche. David Douche est mort en 2015. Douche ou Bouche ? Douche comme la douche. Douche. Voilà. Et okay. Du coup, Corneille également. Le fils de Corneille, on avait dit ? Non, c'est le frère. Le frère de Pierre Corneille. Le Pierre Corneille qui est mort. Non, c'est pas Pierre, justement, c'est Thomas. C'est le frère de Pierre. Ouais. Thomas Corneille est mort. On pense à lui. Une citation pour finir cette éphéméride qui est très intéressante. Les chefs-d'œuvre ne sont jamais que des tentatives heureuses. Alors tu peux illustrer parce que un chef-d'œuvre n'est qu'une tentative. Ouais. Et ben alors c'est très simple. Quand tu fais quelque chose et les gens disent waouh c'est bien ce que tu fais. C'était une tentative de plus de faire quelque chose de bien, tu vois. C'est une sacrée immaculée conception. Bah non, justement, parce que c'est pas ta première. Donc, je pense que là, heureux veut être compris dans le sens de chanceux. Chance, en fait. Exactement. Voilà. Le blé. En égyptien. Le blé. Donc voilà, c'est ma petite citation. C'est George Sand qui disait ça. En gros, ce qu'elle dit, c'est quand tu réussis un truc, c'était juste un coup de bol, quoi. Ouais, non. Que dans toutes les fois où t'as essayé de faire quelque chose, il y en a une qui a marché. Et c'est le coup de Susan Boyle, c'est ça ? Attends, t'as dit George Sand, l'inventeur du sable ? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais au moins, tu vois, je me suis dit, ma vanne n'est pas forcément prise par tout le monde. Est-ce qu'il sait qui est George Sand ? Oui, déjà. Mais je sais qui est George Sand, c'est le marchand de sable. Alors, déjà, c'est pas un homme. Et ouais, c'est pas un homme. Elle a pris un nom d'homme pour pouvoir être publiée. Bref, moi ma blague sur le sable était très drôle. Ouais, voilà, je pense que c'était beaucoup mieux. En fait, ils avaient juste envie d'étaler leur culture comme on étale de la confiture sur une tartine. Oh, j'allais dire la même chose. Et voilà. Ouais, mais toi, tu arrives à le dire en slam. Tu peux le refaire ? Ouais. Étaler sa confiture sur une tartine comme on étale sa culture sur sa. Non. Il va falloir aller voir un orthophoniste. Hein, il fallait un mot en in et je. Non, c'est pas le bon qui est venu. Voilà. On va juste dire ça. L'aubépine, ouais, c'est ça. Aubergine. Et sur ce slam, et parce que c'est son anniversaire, on va s'écouter Corneille. C'est ça, c'est Corneille, c'est l'anniversaire de Corneille. C'était l'anniversaire de la mort du frère de Pierre Corneille, l'écrivain. Donc on peut écouter Corneille, le chanteur, si tu veux. C'est le même nom de famille. On ne s'embête pas, on fait des raccourcis. Oui, c'est la vulgarisation de l'information. Et puis derrière, l'horoscope. L'horoscope, nouvelle formule. On teste. Restez. Thank you. garde en photo dans mes valises. Mais quoi que tu me dises, je suis quelqu'un sans toi. Bon courage et pars tranquille, je suis pas du genre qui tire dans le dos. Ce n'est pas un au revoir, c'est du nouveau. Je souhaite le meilleur par le cœur léger. On aurait essayé. Bon voyage. La matinale de 18h, l'émission que bien. Allez, parce que c'est vous, je vous en ai mis un deuxième, je sais pas pourquoi il ressort. Mais il est trop bien. La matinale de 18h, l'émission que bien. On l'a jamais entendu celui-là. Et on espère que personne n'a envie d'aller aux toilettes dans la voiture. Ah parce ouais. Que ça, c'est, ces sons-là n'aident pas quand même. Hein. Non, c'est vrai. L'horoscope de 18h sur Fadjet. C'est gay à chaque fois ce... Mais ça t'intronise. Putain, oh, ça super intronisation. Très très bien. Et là tu casses tout. C'est vrai. Mais non. Si si. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle version. Oh ouais, j'adore. C'est la 38e version de l'horoscope. Je vais vous parler d'une... On va en faire un bien. Il y en aura une qui sera drôle peut-être un jour. Voilà. Oh, soyez concentrés un petit Allez, peu. Je vais essayer de vous faire deviner une personnalité publique en vous décrivant les aspects qui sont dus à son thème astral. Ok, d'accord. Donc la personne dont je vais vous parler est Gémeaux, ascendant Vierge. Alors Gémeaux, attends, c'est quel mois? Ouais, c'est ça. C'est juin. C'est juin. Ouais. C'est juin. Okay. Ascendant Vierge, ok d'accord. Ouais. Avec sa lune en scorpion. Juste, est-ce que c'est le maréchal juin? Non. Ok. Alors, c'était une personne qui était plutôt très volage, infidèle et instable dans ses relations avec les femmes. Ouais, ça élimine quand même peu de personnes, ça. Hein. C'était DSK. C'était un grand enfant dans l'âme et il cherchait une femme plutôt maternante, mais beaucoup plus jeune que lui. Donc c'est pas Emmanuel Macron. Bah oui, non. Non, c'est l'exact opposé. Il avait un rapport difficile à l'autorité et il était plutôt rebelle. Patrick Devers. Mais personne connaît Patrick Devers. Moi. Ma. Il est vivant, au moins. Non, il est mort. Il est mort. Ah, ok, d'accord. Donc on peut, okay. peut imaginer. Tu continues ou on a c'est que un ça français, c'est on a que ça. Non, non, je vais d'accord. Vas-y, ok, ok. Donc c'était quelqu'un qui faisait passer l'amitié avant tout. Donc il avait un vrai sens de l'amitié. C'était Général de Gaulle. Attends, il est mort parce que t'en parles au passé. Oui, mais je elle vient de dire avant. Qu'il était mort. Mais il faut savoir que moi je suis en décalage par rapport à vous, puisque je suis pas dans le même pays. Mais vraiment décalé. Oui, t'es au Qatar que... alors qu'on non, a mis des personnes. Son casque est qatari. Il y a une exactement, heure de décalage. C'est ça. Voilà. On boycotte, on avait dit. C'était une personne malgré tout très créative. Dali? Non. Ah. C'est marrant, j'ai pensé à la même chose. C'est comme si créatif. Ah, ouais. C'est Dali. Ah, c'est forcément Dali. Il est français, Rodin. Bah ouais. Rodin. Non, c'est plus récent quand même. Ah, c'est plus récent. Rodin, c'est pas qui sort. Et qui était plutôt doué pour la musique. Johnny Hallyday. Ah, oh, ouais, c'est Johnny. Oui. Oh, Gémeaux, sensible de la cage thoracique et des poumons. D'ailleurs, ah, bah c'est Johnny. Il est décédé d'un cancer à ce niveau-là. Difficulté à gérer son argent et un besoin constant de liberté. En effet, c'était Johnny Hallyday. Bien, tu l'as fait comment ce thème astral? Parce que là, ça colle sur plein de points quand même. Hein. Bah, en fait, c'est tout ce qui est dit par rapport à. Alors après, il y a toutes les maisons, il y a toutes les planètes et tout ça, machin. Mais en gros, tout ressort. Enfin, tu vois, c'est moitié noté. Hein. D'accord. Oui, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. Noté, mais parce que tu connais aussi Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday. Personnellement. Mais là, c'est tu bosses comment quand tu ah oui. Moi, voilà. Je prends des notes de ça. Est-ce que t'as un télescope? Oui. Ouais. Tu regardes les astres. Je regarde les étoiles avec ma loupe. T'as une map monde. Bah, c'est ça. Et puis, tu vois, je mets des petites punaises comme ça quand je vois les étoiles et je me dis, ouais. Non, mais il faut quand même noter un truc, c'est que là, la personne qui est née en juin de cette année, la personne qui est Gémeaux, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet. D'accord. Et il faut faire attention à ça quand même. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Je voulais préciser ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça. Et c'est pas parce que vous êtes né en juin que vous êtes forcément Johnny Hallyday. Non plus. Non, mais Johnny Hallyday est né plus tard que Jean-Philippe Smet, quoi. C'est ce que je voulais dire. Simplement. C'est limpide. Voilà. Clairement, c'est tellement ça. Et d'ailleurs, on va lui rendre hommage. Jean-Philippe Bah oui. Ou à Johnny. C'est parti. Johnny Hallyday, animé le feu. Même je dirais allumer le feu. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Coucou Camille. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en avance pour le journal. Et oui, on va quand même faire le journal en avance parce que les informations du monde n'attendent pas. Et on commence tout de suite avec ce deuxième flash info présenté par James et par Jocelyn, par les informations nationales et internationales avec James. J'espère être dans la bonne info. 1, 2, 3. Oui, c'est celui-là. Quelques statistiques pour le match France-Angleterre de la Coupe du Monde de ce week-end. Oui, d'abord des statistiques rassurantes puisque la dernière défaite de la France face à l'Angleterre remonte à 1815. On était à Waterloo. À l'époque, le sélectionneur était un vieillissant Napoléon. Mmh. On s'en souvient tous de cette rencontre. Mmh. Autre statistique réjouissante, tout sport collectif confondu. La France n'a perdu qu'une seule fois face à l'Angleterre en 2022. C'était en finale du championnat d'Europe de boxe échecs par équipe. Une défaite. Ouais, ouais. Boxe échecs. Tu connais. Non, mais c'est une vraie pratique en plus. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. C'était pas vraiment France-Angleterre. Le boxe and chest. Ah oui, d'accord. Voilà, et côté statistiques défavorables, en revanche, on notera que l'Angleterre est invaincue lorsque le taux d'alcoolémie de ses supporters est inférieur à 1,6 g d'alcool dans le sang, ce qui est un peu préoccupant pour non, samedi. C'est bien ça. Parce qu'au Qatar, ils n'ont pas d'alcool. Oui, bah du coup, ils sont invaincus quand inférieur. C'est en dessous. Ah, oui. Attention, attention. Comment vont-ils faire pour jouer ça? La faculté de pharmacie de Rennes va ouvrir une section graphologie pour aider à déchiffrer les écritures des médecins. Cela aura pour effet de désengorger les files d'attente interminables dans les pharmacies de Bretagne. Un égyptologue américain était spécialement dépêché pour parfaire la formation de ce nouveau corps de métier. Très bien. Est-ce qu'il y a dans les pharmacies de Bretagne, il y a du Quiniamane 500? Probablement, absolument. Oui, oui. Il faudrait demander à Brieux, qui est notre spécialiste Bretagne. Il est ici dans le public. Brieux sur les ondes. Voilà. Un vaste réseau de trafic de faux billets a été démantelé dans Lyon. Et tu connais bien Lyon, puisque tu viens de Lyon. J'en suis originaire, je suis un Iconnet, effectivement. Ah, t'as connu Émile Louis? Bah, en fait, pour l'anecdote, genre, j'ai double anecdote si vous voulez. Bon, Allez, vous me lancez là-dessus, moi je lance là-dessus. En gros, Émile Louis, il a sévi entre guillemets dans la gare des migraines d'Auxerre, qui était genre à tout en bas de ma rue. Moi, je suis né rue des migraines à Auxerre et j'étais dans cette rue-là. Et pour Giroud, j'étais à l'auto-école Giroud à Auxerre, qui n'est pas l'auto-école de Giroud, mais d'un homonyme qui a créé l'auto-école Giroud à Auxerre et qui a bénéficié de cette popularité pour s'attirer notamment mes services d'apprenti conducteur. T'as passé ton permis chez Giroud. Chez Giroud, exactement. Okay. Ça va, c'est l'homonyme. Donc là, tu peux vraiment dire que t'as passé ton permis chez Giroud à Auxerre. Exactement. Ouais. Et c'est ça, vrai. C'est fort, ça. Et c'est tout ça est vrai. Tu mens pas. Je ne mens pas. Ah, non, donc non, c'est vrai. Non, là, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Merci pour ces infos. Non, à moins que tu avais. Il y en avait une sur le trafic, mais après, si tu veux, on pourra la passer. Trafic, c'est pas ouf. On va la mettre sur le trafic. On va la mettre sur le trafic. Mais non, mais je viens de la dire. Bah oui, mais je ne l'ai pas développé, si tu veux. Vas-y, voilà, d'accord. Donc le trafic. Donc la police a fini par mettre la main sur une organisation qui avait mis en circulation plus de 4000 billets de 7 euros. L'organisation était également à l'origine de la faillite d'une boulangerie, justement, à Auxerre, qui avait tenté de payer ses impôts avec les pièces de 75 centimes qu'on lui avait fournies. Ouais, ah oui, bah oui. Effectivement, c'est pas de ouf. Ouais, c'est pas dingue. Ouais, on aurait pas dû la faire, ça. Mais bon, les infos, c'est les infos. Émile Louis, c'était mieux. C'est plus intéressant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis là, je sais pas comment on fait pour l'enlever, cette vanne-là. On va la laisser. Moi, ça me fait marrer des pièces de 75 centimes. En vrai, elle était marrante, tu vois, mais bon, saison 1, quoi. Alors, on a deux personnes en public, il n'y a pas eu un rire. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas encore manié l'argent, mais tu verras. Brieux, il n'a pas. Brieux. T'as déjà manipulé de l'argent? Plein. Plein, oh ah, d'accord. Plein, ah oui, plein. Il paye en menhir en Bretagne. Il paye en menhir. En menhir, oh le cliché. Oh là là. Pourquoi pas en Cunyaman? J'ai le droit, je suis bretonne. T'es breton. Pourquoi pas en Bursa? Ouais, là, je suis pas une vraie bretonne, mais bon. Ah non, t'es passé par Rennes, c'est juste ça en fait. Ouais, je vais en Bretagne depuis que je suis née, mais bon, c'est tout. Ouais, mais j'y vais en vacances. D'accord, tu vas en vacances. Ouais, bah ouais. C'est pas parce qu'on a vécu en Bretagne. Premier mec, qu'on est breton. À ce moment-là, moi je suis un habitant des Seychelles. Excusez-moi. Ah, c'est chez oui. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Débordement mardi soir à Vézelise suite à la qualification du Maroc. Il fallait s'y attendre, ce n'est pas moins de 37 Marocains sortis pour fêter leur victoire. Le groupe aurait vandalisé un parc-mètre en l'habillant d'un maillot. La gendarmerie prend cela très au sérieux et dit vouloir faire un exemple. Mais d'où sortait-il ? Mais je ne sais pas. Gérald Darmanin cite Patrick Bailly à la tribune de l'Assemblée nationale. À la question portant sur le non-retour de la police de proximité, Gérald Darmanin a répondu « Ici ou plus loin, ce n'est pas bien grave tant que je me sens bien ». Une célèbre phrase de notre Patrick Bailly. L'Assemblée nationale aurait commencé à chanter. L'audience a dû être suspendue. Tu peux nous la chanter, Jeanne, ici. Alors tu peux. Ici ou plus loin, ce n'est pas bien grave tant que je me sens bien. Le matin, je me lève et dans ma salle de bain. Ici, je me lève et tout va bien. C'est ça, c'est ça. C'est et Darmanin bon. qui se campe ça, quoi. Quel fou. Et on peut dire quand même que David, Patrick Bailly est quand même de chez nous. Bah oui, nous, bah Patrick Bailly, on. Né à Vic-sur-Seille. On espère on un jour le chez recevoir. Épicier, on est chez même épicier. On est d'accord. Découverte à Arouet d'une cachette de doliprane pour enfants. Des 500 mg et même des 250 mg ont été découverts ce mercredi à Arouet, à côté du salon de coiffure Tif Tif, dans un compteur électrique. Il existe. C'est le salon de Tiffany. Pourquoi j'ai écrit Arouet, moi? Dans un compteur électrique, un recel avait été remarqué à l'école primaire du village. La planque a enfin été trouvée après 2 semaines d'enquête. Alors, il faut savoir que je suis craonné. Parce que tu y vas en vacances ? Habitant d'Arouet. Voilà. Et j'ai mis Arouet, ne sachant pas que tu allais creuser comme ça. Parce et que si. Je donne les titres et puis ce sont les chroniqueurs qui développent. En tout cas pour Jocelyn. Et. Je suis l'enfant du groupe. C'est ça. Et je pensais pas que tu allais creuser jusqu'à chercher Tif Tif. Tif Tif coiffure, ça fait plaisir. Rue de l'ancienne école. Et voilà, merci pour cette information. On passe tout de suite à la météo. La météo. Il se concentre. Il en rit d'avance. Il en rit d'avance. James. Pour vendredi, il fera froid partout en France. Les températures seront basses. Et je le sais. Et je vais prendre des mesures pour lutter contre ce temps. C'est François Hollande. Je vais faire du sport. Faire par exemple de l'aérobic. Et je peux l'enseigner à chacun et à chacune d'entre vous, l'aérobic. Moi, professeur d'aérobic, je verrai à bien vous échauffer. Moi, professeur d'aérobic, je mettrai une combinaison moulante. Moi, professeur d'aérobic, je vous ferai danser sur des musiques des années 80. Moi, professeur d'aérobic, je vous permettrai d'oublier qu'il fait froid dehors. Vive l'aérobic et vive la France. Ah, bravo, bravo, bravo. Très très bien fait. Alors, le son était mal pris, donc on peut la refaire. Il m'a fallu 3 phrases pour comprendre que c'était François. Ah ouais. Désolé. Ouais, mais je me disais bien, ça ressemble à un truc de loin. Ça ressemble à un truc, c'était François. Ah, tu le tiens bien, hein. Ouais, tu le tiens bien. Ah, tu le tiens bien. Au final, tu le tiens bien. On pourrait l'inviter, hein. D'ailleurs, on l'a invité. François Hollande, bah c'est vrai, il fait plus rien en plus maintenant. Bah ouais, enfin si, il écrit des livres, je crois, mais on peut l'inviter chez Fadjet. Oui, mais encore faut-il que les gens l'achètent. Mais bon. Les grosses fesses, c'est bientôt. Bah c'est soon. C'est soon, juste après David Guetta. Pourquoi on met David Guetta, James? Parce que c'est un tube du moment, tout simplement. Voilà. Et qu'on a, on a des gens, en conduisant, ils n'ont pas envie d'entendre des vieux tubes c'est de ça. Johnny Hallyday ou de Nolwenn Leroy qu'on écoutera après. Tube du moment, c'était l'été dernier. mais ils ont envie d'entendre des trucs nouveaux, des trucs de Jones, quoi. Et puis il faut qu'on aille sur cette clientèle. C'est pas nouveau, c'est une reprise. Bah oui, et puis ça date de l'été. Ça n'empêche que c'est du moment, quoi. Si vous allez en boîte ce week-end, vous allez l'entendre. Ah, bah, j'y vais ce week-end, je te dirai. Moi, j'y vais. Guetta, I'm good. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'émission Les Grosses Fesses, oui, j'ai changé. C'est mon bête préféré. C'est ton bête préféré. Celui-là, je me suis dit, voilà. Il y a même le public qui se réveille là. Parce qu'ils se disent, ah ça y est, enfin, c'est vraiment des grosses fesses. On fait quelque chose de bien dans voilà, cette quelque chose de bien. C'est vrai qu'on s'ennuie là. Oui. Pour rien. Ah ouais, ouais. Et alors, Les Grosses Fesses, présentées par Jeanne. Jeanne, je te laisse la main. Ok, ok, super. Bah, bonjour à tous. Bienvenue sur Les Grosses Fesses. Les Grosses Fesses, avec comme chroniqueur. Avec comme chroniqueur François Hollande. Non. Marc Lavoine. J'ai déjà tout donné. Marc Lavoine, je ne sais pas qui est Marc Lavoine. Et Franck Dubosc. Non, elle a les yeux revolver. Personne ne l'appelle plus Marc Lavoine. Mais Marc Lange. Non, c'est maintenant. Vrai qu'il a changé de nom. Marc Lange. Marc Lange. Oh non. Oh, là là, oh si, oh là là. Si, voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. C'est ouais. Marc Lé. C'est Les Grosses Fesses, quoi. C'est d'avoine. D'accord. Eh bien, on va faire le petit quiz musical qui vous a tant plu il y a 15 jours. Tant plus, t'en rajoutes, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup rire. Si, vous m'en avez demandé tous les jours. Donc, je répète, je vous donne les paroles d'une chanson anglaise, je vous les donne en français et vous devez deviner la chanson. Le public peut jouer. Le public peut jouer, par contre, le public n'aura pas ces magnifiques buzzers. Et ça, le public est déçu. Ça alors, nous les découvrons. Quoi? Ah ouais. Nous les découvrons. Voilà. Donc. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est fluide. Moi, je peux avoir le rouge. Eh, vous avez le choix. Non, du rouge, le... du bleu, du rouge. Moi, je veux le canard. C'est super. Ah, vous voyez pas, il y a deux dinosaures et un canard. Enfin, non, une espèce alors, de, c'est deux de grenouilles flamant et un flamant rose. Hein, flamant rouge. C'est super qu'ils aient chacune une couleur pour différencier parce que au bruit, c'est vrai. Quelle couleur tu veux, toi? Violet? Moi, j'ai bleu. Je voulais prendre des boîtes à meux, mais impossible à trouver. Alors, vas-y. Moi, j'ai mon truc alors. Ouais, James. On a exactement le même mot. C'est vrai que c'est vraiment pratique. Parce que moi je fais une fois, toi tu fais deux fois et toi tu fais trois fois. C'était les moins chers. Il faut qu'on fasse. Et puis Tristan. Ah ouais, tu dis ton prénom. Ouais. Oh, ah voilà. Oui. C'est vrai que c'est mieux que juste dire son prénom. T'as raison. C'est, ça apporte quelque chose. Pour rentabiliser l'investissement. C'est clair. Bah ouais, non mais ouais. Non, c'est stylé quoi. Ouais. Alors on t'écoute. Alors vous êtes prêts? La première. Ce que je m'apprête à dire peut paraître fou. Le soleil est là, tu peux prendre une pause. Jocelyn, c'est Ignace Barclay, crazy. Nope. Oh putain, t'avais l'air tellement... Bah, je suis dans le jeu, là. Je suis une montgolfière qui pourrait aller dans l'espace, avec l'air comme si j'en avais rien à faire d'ailleurs, bébé. Parce que je suis heureux. Frappe des mains si tu te sens comme... Jocelyn, Pharrell Williams, happy. Oui, oh là là, bien joué. Bien. Juste en où je l'avais. Eh, t'es fort! Mais fallait biper les jeunes! Parce que je suis heureux, frappe des mains si tu te sens, si tu te sens que le bonheur est la vérité. C'est, une fois qu'on a trouvé, tu pourrais la chanter avec les paroles françaises. Avec parce l'accent. Que je suis heureux, frappe des mains si tu me. heureux! C'est là qu'on se dit que les paroles sont pas de ouf quand même. Mais si. Ah, ça passe. Ça passe. Alors, un point pour Jocelyn. Merci. La deuxième, vous êtes prêts? Ouais. Une autre tête qui s'incline bas. Un enfant qu'on enlève lentement. Tristan Queen. Non. Et la violence qui a provoqué tant de silence. Qui sommes-nous à avoir tort? Mais tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma famille. Dans ta tête, ils se battent. Vas-y, James Hewlett. Ah oui, bah ça tombe bien parce que je... Zombie Cranberries. Bien. Mais alors, mais c'est pas possible, t'as révisé. Jocelyn, pardon. Bah non, Ah, bien sûr. Facile. Voilà. Facile. Bien. Je suis... Deux points pour Jocelyn. Non, si t'as, à mon avis, t'as un don pour ah ça ouais, quand même. Non, c'est oui, pas normal. C'est... Alors, la suivante. Tu étais mon soleil, tu étais ma terre. Ouais, tu l'as, je crois. Tu l'as. Justin Timberlake, oui, Cry Me a River. Bien, mais il est fort. Très très fort. T'as pas dit ton prénom, je crois, quand t'as bipé. Et on peut voir, tu peux le chanter. Ouais, s'il te plaît. Tu étais mon soleil, tu étais. Mais attends, c'est quoi? C'est le refrain. Ouais, t'aurais pas dû poser ça. J'ai pas du tout l'air, moi. Cry me a river. Ah ouais. C'est tout ce que je vais te dire. Ah ouais, pleure-moi d'accord. Une rivière. Ouais. Pleure-moi une rivière. Ouais. Pleure-moi une rivière. Oui, non, mais c'est genre. Pourquoi pas un canal? Ça... C'est vrai, parce que c'est plus grand une rivière. Quoi. Ouais. Il l'avait écrite pour Britney Spears, la chanson. Ah ouais, oh non, Britney, quoi, on pense à elle. Ouais. Ok. Prochaine. Alors donc, du coup. Oui, bah là, celle qui arrive, et pour toi. Jolie femme qui descend la rue. Tristan, Pretty Woman. Bien. De qui L'artiste. Ah, je sais pas. Pretty Woman. Roy Orbison. Qui ça? Roy Orbison. Oh, jolie femme, le genre que j'aime rencontrer. Jolie femme, je ne te crois pas, tu ne peux pas être vraie. Personne. Mais chante-les comme ça. Mais oui, sing. Jolie femme. Walking down the street. Pretty arrête woman. Un instant, parle un instant, fais-moi sourire, bon. Jolie femme. Ah, la suivante en italien. Ah! Oh! Bella ciao! Non, t'as attention, pas le droit de faire ça. J'ai juste fait de l'italien là, en collège-lycée, mais mon niveau est pas ouf. C'est pour toi, vas-y. Un'altra testa cade giù. Quoi? Attends. Ah, mais d'accord, c'est de la. Ah, ouais. Non, j'ai pas compris. Tu le fais en italien? Oui. Alors que c'est de l'anglais? Oui. Ah, je pensais que tu faisais français pour une chanson italienne. Moi aussi, je pensais ça. Donc j'étais à fond en Ramazzotti, quoi, tu vois. Ah, parce que t'aurais pu nous faire ton imitation d'Eros Ramazzotti. On l'a pas demandé. Un'altra testa cade giù, un bambino viene preso lentamente e la violenza ha causato così tanto silenzio che stiamo fraintendendo, ma tu lo vedi non sono io, non è la mia famiglia. Juste interrompre pour préciser aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes bien sur Radio Fadjet en France. Nella tua testa stanno combattendo. Ah, c'est les sardines de Patrick Sébastien. Ah, ça aurait pu. Mais je crois que je l'avais quand il y avait le refrain là. Connie, ouais. Connie Laurie, Carrie Armati et les Lolo Bombay. Les Lolo Bombay et les Lolo Pistole. Ah, mais oui! Nella tua testa, nella tua testa, stanno piangendo. Elle a les Lolo Bombay et les Lolo Pistole. Tristan, elle a les yeux revolver? Non. Non, non, non. Nella tua testa, nella tua testa. En bande organisée? Zombie. Cranberry. Elle a les Lolo Bombay. Pistolero, c'était zombies et cranberries aussi. Ah, bien sûr. Facile, ouais. Celle-là, facile un peu. J'ai pas en et tu vois comme quoi on dit que l'italien c'est facile, mais en fait. En fait, ça l'est pas. Bah voilà. Ouais. Comme quoi. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale avant de reprendre, d'enchaîner là, parce qu'il faut qu'on, il faut qu'on remette respire, les accus. J'ai au choix, j'ai Nolwenn, ou j'ai Under Pressure. Under Pressure. Under Pressure. Under Pressure. Ah, c'est pas Nolwenn, s'il te plaît. Rien contre Nolwenn, hein, mais Under Pressure. Under je peux mettre les deux Nolwenn en même temps, je pense. Ouais, vas-y. Ah, vas-y, fais-le. Ouais. Under Pressure, yeah. Je coupe les micros là. David Bowie, Under Pressure. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. La suite et la fin de Des Grosses Fesses, présentée par Jeanne. Bah, pourquoi tu fais la tête là? Bah parce qu'il n'y a que ça dans Les Grosses Fesses. Il n'y a que ça dans Les Grosses Fesses. Bah oui, on arrive déjà à la fin de l'émission. Hein, ça quand passe même, tellement hein. Vite. Mais ouais, tellement. Alors là, deux petites variantes, c'est des chansons françaises. Tu peux expliquer pour les gens alors qui arrivent seulement. Alors on fait un petit quiz musical dans lequel je vous fais deviner des chansons uniquement en utilisant les paroles. Donc de base, on était sur des chansons anglaises que je vous ai traduites en français. Et là, on passe sur des chansons françaises que je vous ai traduites en anglais. Jusqu'à présent, on a Jocelyn qui a 4 points. 2 points. T'as que 2 points? Non, t'as plus que ça. Bah, ouais, même en 4. Et Tristan, il a 1 point. Ouais, James, il est dans les choux. Si, j'ai trouvé Cry Me a River, ah, ouais, Justin Timberlake. Voilà. Bon, on a qu'un point d'écart, right, les jeunes. Scorch Earth in the Wind. Stone Moorlands. Around les lacs du Connemara. Maman. Michel Sardou. Mais t'es trop fort, toi. Ah bah, dans ce sens-là, c'est plus simple. Je sais, j'ai fait 3 phrases, quoi. J'ai traduit 20 lignes, j'ai fait 3 phrases tellement t'es fort. C'est pas possible. Déjà, c'est mes deux compétences. C'est la traduction et Michel Sardou. C'est mes. Je suis dégoûté. Mes deux domaines d'expertise. 2 points forts. Of L. Connemara. Black clouds coming from the north. Coming from the north. Mais je pense qu'en plus qu'elle existe en. Je suis quasi sûr qu'elle existe en. Parce que c'est tellement un tube planétaire. C'est un succès continental. The following springs, the Irish sky, what has the peace, pouring milk, lake, snake in the lake, Connemara. Tu fais des cours de chant, toi, alors? Ouais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand ils ont créé cette chanson-là, dont Sardou ne voulait pas parce que ça marcherait pas. Ah ouais? C'est qu'ils ont trouvé un son quand ils faisaient sur leur orgue électrique et ils se sont dit, tiens, ça ressemble au biniou. Et ils se sont dit, ah, si on faisait par rapport au pays britannique. Et c'est parti comme ça. Voilà. Ah, donc le petit tu. C'est ça, c'est un synthé alors. C'est le pignou quoi. Okay. Bah, au départ, oui, quand ils travaillent pour créer une musique, ils ont un synthétiseur, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on dit synthé dans le milieu. Oui, c'est un synthé. Et puis ils l'ont mis en mode, ils faisaient un bruit de pignou. Ah, ouais, hein. Et voilà, c'est parti comme ça. Prochaine chanson et dernière, Look, the day is breaking in the tenderness upon the city. You make me live as in a dream, all that I love. I want nothing, I want you, as I never wanted anyone else. You see the day. Tristan, Patrick Bailly. Ah ouais, c'est lui. La mousse au chocolat. You see the day seems just like love. I want nothing, I want you. As red loves autumn. You see love seems just... Je ne regrette rien. Non, just like Verona. I want nothing, I want you. I want je you. Rien. I love it when you embrace me, when you kiss me. Quoi, I feel so good. Mais là, parce que là, t'as déjà fait le... Non, j'ai l'impression que c'est une chanson déjà en anglais, en fait. Bah, c'est ouais. Trop bizarre. Ça sonne... Ça sonne pas français. Ça, je t'embrasse. Je vais te faire juste la première phrase en la chantant ou pas? Ouais, mais en chantant bien. Look, the day is breaking. Ah. In the tenderness. Mais ça confirme, je ne la connaissais pas. C'est Disney, ça, non? You make me live as in a dream. C'est un duo, non? All that I love. Maître Gims. I want nothing, I want you. Stone et Chardin. Oui, c'est un duo, voilà. Stone et Chardin. Oh là là. Besoin de rien, envie de toi. Ah oui, d'accord. Peter et Stone. Ah, il y a Peter et Stone. Oh la vache. Et Peter qui est complètement stone. Les points là. Parce que là, t'es arrivé à la fin là. Ah oui, là, c'est fini là. Ouais, les points. Qui c'est qui a gagné monsieur? Ah bah, je crois que c'est Jocelyn. Non, je crois pas. Non, c'est gagné le deux. Jour, non, Tristan a deux aussi. Je crois qu'on a égalité avec Tristan. T'en as trois, Tristan est gagnant. Je déteste gagner. Toi, t'as Happy, Zombie. Ouais. Tristan, il a Pretty Woman. J'ai Pretty Woman et puis j'ai le dernier, besoin de rien, envie de toi. Et puis il y en a une autre. Non et Zombie en italien, je l'ai eu, j'ai pas eu. Ah non, c'est toi qui as eu Sardou là, ça m'énerve. Si vous êtes auditeur et que vous avez gardé les scores, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook qu'on n'a pas encore en vrai, fait. Y a deux, deux et un. Voilà, oui, parce que. Deux, deux, un. Alors, ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est qu'on s'est pris en photo. On s'est fait prendre en photo. On peut pas spoiler. On a fait une séance professionnelle, un shooting photo. Just a shooting. Avec dans un très beau bar. Très beau bar. Professionnel, Camille. Ah ouais. Oui. Camille Louillot, que vous pourrez retrouver sur Facebook. Facebook, Instagram, ou LinkedIn, elle est sur tous les réseaux possibles, imaginables. Et grâce à elle, on va pouvoir commencer à faire une. Enfin, pouvoir commencer, ça veut dire qu'on la fera jamais, mais on va faire plutôt. Tu on va faire. Je... Bon, non, on va. Si, ouais. Une page Facebook pour pouvoir réceptionner tous les chroniqueurs, tous les auditeurs. Qui sont les chroniqueurs. Si vous voulez interagir avec nous, ça sera l'endroit. Voilà. N'hésitez pas à le faire au début parce que après le succès va commencer à arriver. On aura de moins en moins de temps pour vous répondre et vous pourrez dire sollicitations. Qu'on était là au début. Voilà. Donc n'hésitez pas à être parmi les premiers parce qu'on se souviendra de vous. Enfin, eux se souviendront de vous. Moi, après, je deviendrai une envergure trop grande pour les ça. Les premiers seront les derniers. Voilà, dans d'autres réalités, c'est ça. Très bien. Et dernière chose, il y a un spectacle d'improvisation samedi à 20h30 à la Musée Pichon si vous n'aimez pas le foot. Mais je crois bien qu'il y a ça, ouais. Ouais, ouais. Jeanne, tu peux en parler? C'est pas Improdisac qui propose ça? Si, c'est ça, je crois. C'est 20h30? À 20h30, ouais. Ouais, ça me semble. À la MJC Pichon, c'est boulevard du recteur Zen. Chaque fois, je dis le secteur Rennes. Oui, voilà. Moi aussi. C'est fou, ça. Voilà. Et ce spectacle, il y aura deux spectacles en un. Le premier qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, celui de Galone. Ma petite voix. C'est le note, le premier. Non, alors, le note, oui, d'accord, oui. Parce que Jeanne et moi, on joue dedans. Dans le concept Ma petite voix, il y a 5 improvisateurs. Et vous devrez définir qui sera la petite voix de quel personnage principal. Et il va commencer à y avoir une histoire. Choisissez la blonde au gros sein. Mais ça va pas. On va couper le micro là. D'accord, ok. Oui, donc on va improviser une pièce théâtrale, un petit moment théâtral de 45 minutes totalement improvisé. Tout à fait. Et dans la deuxième partie, tu connais le concept? Écris l'histoire de Guélon. Ouais. Donc on sera sur un mode un peu plus cabaret avec des scènes rejouées de l'histoire. Guélon qui est l'animateur de la voisinade que vous retrouverez la semaine prochaine à notre lieu et place. Bah oui, 18h, même voilà. Le jeudi prochain. Très bien. Voilà. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Une émission rondement menée. Hein. Ah oui, et qu'est-ce qu'on bosse? Comme du rondelet. Ça a bien taffé. Hein. Ah ouais. Ça bosse, hein. Oh là là. Arrête. Tif-tif coiffure. Ah oui, du, arrête. Non, c'est vrai que sur Tif-tif. Sam-Sam, prince de Sam-Sam. Ça fait plaisir. Non, mais c'est pas Sam-Sam. C'est le Sam-Sam. C'est la principauté de Sam. Mais ils ont un château qui s'appelle le château de Sam-Sam. Mais on a déjà perdu beaucoup d'auditeurs quand vous avez fait cette conversation la première fois. C'est j'ai vrai. Pas envie qu'ils en fassent le truc, quoi. Au revoir. Donc on s'arrête là-dessus. Mais bon. En fait, non, mais écoutez, si, ne changez pas de chaîne, mesdames, messieurs. Juste après nous, il y aura bien évidemment l'émission de 19h de Fadjet qui nous suit. Qui commencera à 19h. Exactement. On va parler, je crois. Ok, on parle là-dessus. Et il va neiger. Il va neiger. Ouais, tout à fait. Ça se trouve, il neige déjà à l'heure actuelle. Hein. Peut-être. Vu qu'il est 18h, pas 19h à bientôt. Léger différent. On a senti quelques flocons en arrivant. C'est comme la première émission qu'on fait le jour même de sa parution. C'est une fois que j'ai bossé l'éphéméride du jour même, ça fait plaisir. Un jour, faudra qu'on la fasse en direct quand même. Ça serait trop bien. Et on invite des gens comme ça, c'est encore plus aléatoire. Ouais, faudra qu'on dure 2 heures si on peut avoir du public. Ah, des gens dangereux un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Des gens qui nous menacent. Des bretons. Oh, des bretons. Des Alsaciens. On veut des galettes saucisses. On veut. Il y aura battle avec les Alsaciens. Dans un seul style. Les Alsaciens. Les Alsaciens. Les Alsaciens, encore autre chose. Ah oui, merci. Pas du tout, moi, l'Alsacien. Bon, bah. Hollande, aussi bien que l'Alsacien. T'as vu. À dans 15 jours. Allez, au revoir. Bisous. Cordialement. Ciao.